regarde toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. En route, il faut partir. Halt! Quelqu'un est là qui cherche à se cacher. Une femme! Arthur, la surprise te reste. Et qu'elle va! Je suis malheureux! Viens-tu faire ici? Moi, je viens te chercher là-bas et la chaumière aux anciens brillants. Une mère, ta mère, je pars.